l'amour. C'est moi dont tu disais le nom dans le silence obscur. Au souffle des tempêtes sur mon âme me prise, en regardant sur l'océan encore, sous l'énorme ouragan, ma voile se déchirait. Serré contre son cœur, les lampes blessées de ta pudeur et arrachées à la nuit noire, tous les soupirs sublimes de l'espoir. Rivage éblouissant de l'amour, conduis-nous sous tes étoiles d'or, perds tes larmes dormantes.